personnellement, c'est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu tinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Au sourat de France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. L'éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le dernier recensement a montré que le territoire national était peuplé de 60 millions de personnes. Si vous réfléchissez maintenant qu'il y a en tout et pour tout si cher d'assyriologie en France, vous voyez que la proportion est d'une pour 10 millions d'habitants. Si vous songez en outre que 4 personnes se partagent ces si chers et que les maîtrises de conférences se réduisent à un couple, la race des universitaires assyriologues français reste néanmoins un peu plus nombreuse proportionnellement que celle des pandas, dont il n'existe pour 1,5 milliard de Chinois que quelques spécimens à l'abri dans des zoos, il est vrai moins prestigieux que le Collège de France. Alors c'est par cette pointe d'humour, Jean-Marie Durand, que vous ouvrez votre leçon inaugurale, prononcée le vendredi 26 novembre 1999, et vous occupez donc la chaire d'assyriologie, donc au Collège de France. Et peut-être que avant de parler un peu plus en profondeur de l'état de l'assyriologie aujourd'hui et puis de vos cours, j'aimerais que vous nous disiez comment finalement on devient assyriologue. Alors, comment on devient assyriologue? Qu'est-ce qui vous a pris? Moi, je prendrais les choses d'une façon un peu plus large. Comment est-ce qu'on devient professeur? J'ai toujours pensé que, en réalité, je me suis toujours trouvé bien au lycée. Et que j'ai tellement bien qu'une fois que j'ai eu mon bac, j'ai été un petit peu déconcerté en me disant que il fallait maintenant choisir un autre lieu, partir ailleurs et rentrer dans une classe préparatoire. Ça a été peut-être pour moi le moyen d'y rester. Et puis, une fois que j'en suis sorti pour aller à l'école normale supérieure, j'aurais pu à ce moment-là céder à des sollicitations plus prestigieuses dans la vie de l'État ou l'organisation de la science ailleurs. Je me suis dit que devenir professeur était peut-être le moyen de rester dans ce lieu où j'étais si bien. Et après m'être fait longuement torturé par mes maîtres, et semble-t-il avec beaucoup de plaisir, eh bien c'était à mon tour de le faire. Alors, vous avez fait quel type de cursus? J'ai fait le cursus le plus classique qui soit. À l'époque où j'étais étudiant, c'est-à-dire avant mai 68 comme on dit, le dépoussiérage qui a été fait des disciplines traditionnelles, j'étais un bon élève, uniquement dans les disciplines littéraires et pas dans les disciplines scientifiques. Comme je n'étais pas très doué pour les langues, le français, le latin, le grec m'ouvraient leurs bras et donc, je n'y ai pas passé saisi. Une agrégation de lettres classiques. Voilà. Et c'était une époque dans laquelle faire des humanités était quelque chose de prestigieux, dont on vous félicitait, et c'était tout à fait positif. Or, il s'est trouvé, était-ce un esprit de contradiction ou les premiers prodromes du mal qui devait emporter l'université classique par la suite, j'ai trouvé que faire du latin, faire du grec, qui étaient un grand, grand plaisir au point de vue manipulation des textes, découverte un petit peu des racines de notre littérature, ça ne suffisait pas. Et j'ai décidé d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et le ailleurs, ça s'est appelé à ce moment-là l'Inde. Je suis parti pour étudier les disciplines antiques de l'Inde, tout particulièrement le sanskrit. Il se trouve qu'à l'époque, l'enseignement du latin et du grec faisait une très grande place aux antiquités de la langue, et ce qu'on appelle, pour faire vite, l'indo-européen. Et quand on expliquait de la grammaire latine et de la grammaire grecque, on recourait très rapidement à cette langue mystérieuse, le sanskrit, parce que le sanskrit est une langue indo-européenne extrêmement conservatrice et qui permettait de mieux comprendre les formes évoluées que représentent le grec et surtout le latin. Donc si je vous comprends bien, Jean-Marie Durand, vous avez été d'emblée comparatiste. Oui, j'aurais dû être un indo-européaniste et un indianiste. Et là, il m'est arrivé que, faisant des langues de l'Inde, j'ai eu accès à une langue encore plus ancienne qui s'appelait le hittite, qui était parlée et écrite dans l'Anatolie ancienne, qui est la plus haute attestation d'une langue indo-européenne, puisque ça permet de remonter jusqu'au 15e, 16e siècle avant le Christ. Et là, il s'est trouvé pour moi une chose absolument merveilleuse, j'ai découvert le cunéiforme, parce que la langue hittite est écrite dans le cunéiforme. Et il m'est arrivé, à moi individu, ce qui est arrivé aux Hittites dans l'Antiquité, c'est-à-dire que c'était des barbares qui habitaient les hauts pays et qui ont été tentés d'aller voir ce qui se passait dans la riche plaine qui était en bas de leur montagne. Je suis descendu de l'Anatolie vers le pays producteur du cunéiforme, qui est l'Irak actuel, et là j'ai redécouvert l'Akkadien et surtout le Sumérien. Au début j'ai découvert le Sumérien, qui est le peuple qui pour la première fois a inventé l'écriture, toujours d'après ce que l'on racontait et qu'on raconte peut-être un peu moins maintenant. Alors je vais vous demander, est-ce qu'il y a des séquelles de ces langues quelque part qui existent encore? Le sumérien est mort peut-être même avant que l'histoire ne commence. Ah oui. Et il a été maintenu comme langue vivante, comme langue savante. L'acadien est une langue sémitique. Quand je me promène dans la campagne syrienne à l'heure actuelle et que je dis certains mots choisis, bien sûr, de babylonien, les Arabes comprennent toujours, les petits bédouins comprennent toujours. Quand je dis à un bédouin, Ahri, Ahri, ça signifie mon frère, à l'heure actuelle, et 3000 ans avant. Hein, et que la porte que l'on dit Bab en arabe actuel, Bab Ilim, la porte du dieu, c'est Babylone, depuis les origines. Donc il y a, comme dans toutes les langues sémitiques, énormément de mots qui ont duré, qui se prononcent toujours de la même façon. Naturellement, le babylonien lui-même comme langue a disparu vers le 5e siècle avant le Christ, parce qu'il y a eu des invasions qui l'ont noyé complètement, et il y a eu des changements de politiques et culturels et ethniques considérables. Et puis, je vous dirais en même temps que si je devais parler de babylonien, j'aurais peut-être des problèmes, parce que je ne le connais que dans les livres. Et j'essayerais de le prononcer avec l'arabe, avec l'accent le plus arabe possible, et peut-être serais-je compris, mais je ne suis pas sûr. Donc, vous partez pour apprendre le sanskrit, vous partez... Mais non, le problème, c'est justement, c'est que les maîtres que j'avais à l'époque se défiaient considérablement de la relation avec le monde moderne. Du terrain, voilà, comme vous dites. Que ce soit les maîtres qui me patronnaient en ce qui concerne le latin ou du côté de l'Inde, ils se défiaient considérablement du monde moderne. Je me souviens encore de mon professeur de latin me disant « Ah, si vous allez à Rome, qu'espérez-vous y trouver? Vous ne trouverez aucun Romain, vous ne trouverez que des Italiens. » N'est-ce pas? Alors, pour l'Inde, c'était pareil. Et en ce qui concerne l'Inde, le problème était plus grave. C'est que on était à l'époque où on disait que le savoir que les Indiens possèdent à l'heure actuelle est un savoir traditionnel, vieillot, incomplet, et le savoir qui a été élaboré par la science européenne à la fin du 19e et dans le 20e était quelque chose qui était beaucoup plus exact, beaucoup plus précis, beaucoup plus savant. Et que si je voulais bien savoir le sanskrit, c'était pas la peine d'aller perdre mon temps à faire des galipettes aux Indes, j'avais qu'à m'enfermer dans ma bibliothèque, et au bout de 10 ans, ayant lu tous les livres, je savais tout. Justement, ça a été pour moi quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'ai toujours considéré que être un antiquisant n'avait pas de sens si ce n'était pas être relié d'une façon ou une autre avec le monde moderne. Par exemple, tous les étudiants qui font du babylonien avec moi, j'ai voulu toujours les emmener dans un pays arabe pour faire des fouilles, pour lire des tablettes dans un musée, pour voir le paysage, et je leur ai toujours expliqué avant de partir, si vous n'aimez pas le pays moderne et les gens qui y vivent, vous ne pouvez pas avoir d'attirance pour l'aspect ancien, et vous ne pouvez pas le comprendre. Mais bien sûr, il n'y a pas de clivage au fond, c'est-à-dire que faire de l'histoire, c'est toujours faire de l'histoire au présent. Il y a surtout le pays, c'est-à-dire que le pays a ses propres exigences, il faut vivre sous le climat où ont vécu les gens dont nous étudions les archives, il faut voir les paysages qu'ils ont vus, même s'ils sont très différents, il faut comprendre leurs besoins, et il faut sentir l'air du temps, il faut laisser la magie des lieux perfuser un petit peu les exigences scientifiques. C'est ce que je vous dis. Vous êtes en train de dire, parce que ça veut dire qu'il faut ressentir dans son propre corps un certain nombre de absolument. Je sais qu'il peut y avoir des amateurs d'art qui n'éprouvent aucun sentiment artistique, qui considèrent l'art uniquement comme une chose qui s'achète, qui se négocie, qui se revend, etc. Il y a l'équivalent de ça dans la science, mais ce n'est pas ma façon de voir les choses. Alors comment est-ce qu'on devient professeur d'assyriologie, Jean-Marie Durand ? J'ai subi ce qu'on appelle les avatars de la vie. J'ai eu une chance considérable, ça a été le fait que la vieille Sorbonne implose complètement en 68. En 68, je finissais mon service militaire, j'en suis sorti pour aller à la Fondation Thiers, et pendant 2 ans, j'ai regardé de loin avec stupéfaction, désolation, quelquefois jubilation, il faut le dire, parce que ça allait très bien à l'époque, l'écroulement de tout le vieux système qui m'avait formé. Et j'ai pu en tirer parti. En 70, quittant la Fondation Thiers, je suis retourné à la Sorbonne, où je venais d'être élu comme sur un poste d'assistant de latin. Et j'ai reçu, comme beaucoup d'enseignants, dans mon courrier, une lettre me disant « À quelle université voulez-vous appartenir ?» Et il se trouvait à l'heure actuelle que les universités, d'une façon complètement aberrante, n'enseignaient plus tout le corpus de la science. Il y avait des universités où il n'y avait plus d'enseignement de français, dont il n'y avait plus d'enseignement d'histoire, dès où il y avait du latin, dès où il n'y avait plus de latin, etc. Alors que moi, pour moi, l'universitas, c'était quelque chose qui enseignait toutes les disciplines qui pouvaient s'enseigner, bon, éventuellement, en séparant les sciences des lettres. Et j'étais allé trouver à ce moment-là Monsieur Garrigny, qui était professeur isolé d'histoire mésopotamienne, qui avait choisi Paris 1, en lui disant « J'aimerais bien travailler avec vous, et puisque je fais du hittite et que j'ai découvert ce monde merveilleux dans la plaine, qui parle et qui écrivent des langues cunéiformes, ne voulez-vous pas qu'on forme tandem ?» Et il a eu la bonté de m'accepter, et j'ai donc envoyé un courrier disant que je choisissais Paris 1, et le latin se trouvant à Paris 4, eh bien ils ont été obligés d'aller chercher quelqu'un très loin en France pour assumer le service que j'avais déserté. C'était des choses qui se passaient à l'heure actuelle, ça ne serait plus possible. On apprend toujours le cunéiforme à Paris 1, ou c'est terminé ? Bien sûr, et alors à Paris 1, je me vante d'avoir été le premier assistant de France et de Navarre à faire du babylonien. Ça n'a pas été une chose facile, parce qu'il a fallu que je ne le savais pas. J'espère maintenant en savoir un peu plus. j'avais pris une grosse grammaire allemande, très savante, dans laquelle il y avait tout, et je me suis mis à traduire d'allemand en français les informations qui y étaient contenues, et je me suis mis à l'apprendre à des plus jeunes, et le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Oui, au fond, tout chercheur est forcément un autodidacte d'une certaine manière. Alors là, je l'étais d'autant plus qu'il y avait personne pour m'enseigner, n'est-ce pas ? Donc, mais j'ai eu la chance de voir très très vite des jeunes gens avides de sciences qui sont accourus à mes TD, qui, comme ils n'étaient pas payés, ils n'étaient pas prévus par la faculté parce que aller expliquer à un directeur d'un institut d'histoire que vous voulez enseigner de la langue, si c'est du latin et du grec, ça peut se négocier, mais du babylonien, il fallait que je fasse mes TD de langue, mes TD d'histoire au lieu de mes TD de langue. Donc je les mettais le samedi à la faculté de Sancier, de 9h du matin à 11h. Là, j'ai eu de la chance, parce que d'un côté, c'était tout nouveau, tout beau, c'était le petit gang des fous qui venaient travailler le samedi matin alors que la faculté était complètement vide, c'était un peu le gang des initiés. Une discipline qui ne courait pas les rues, ça a dû faire chic pour beaucoup, et puis ça m'a intéressé vraiment certains, et je me retrouve à l'heure actuelle avec comme collègues quelques-uns des étudiants que j'ai eus tout frais et moulus. Formidable, vous avez réussi vraiment à former des... Voilà, et alors après, naturellement, une fois... Des savants et des passionnés. Des passionnés d'abord, et des savants ensuite. Et maintenant que le pli est pris, eh bien maintenant on a réussi à faire que l'enseignement de la langue soit accepté par la faculté au même titre que les sciences auxiliaires comme l'épigraphie, la papyrologie, etc. La faculté a des traditions, et maintenant ça roule. Vous êtes parti quand sur le terrain, alors, finalement ? Alors, sur le terrain, j'y suis parti lorsque mon maître Georges Dessin a décidé que le temps était venu de me repasser la direction de la publication des archives de Marie. Et ça a été une chance fantastique. Les archives de Marie représentent un lot exceptionnel de documents. Datant du XVIIIe siècle avant le Christ. C'est Marie est à l'heure actuelle très facile à situer. C'est l'endroit où l'Euphrate est coupé par la frontière syro-irakienne. C'est un tel extrêmement bas sur la plaine et qui se trouvait un petit peu à l'est de la route qui allait depuis Alep jusque à Bagdad en longeant l'Euphrate. Et André Parot le définit très bien en disant que de la route on ne le voit pas et qu'il ne fait pas du tout illusion. C'est un tel relativement plat et pas très haut. Ah oui, on voit une espèce de colline, quoi. Voilà, une série de collines, Et il s'est trouvé que à l'époque du mandat français, des bédouins qui faisaient un trou sur l'autel pour rechercher des matériaux pour construire une tombe ont trouvé une statue fragmentaire, bizarre, mais qui était relativement importante, et ils l'ont signalée au lieutenant qui commandait le poste français de Abu Kemal à la frontière avec l'Irak, qui était sous mandat anglais à l'époque. Alors, cette statue en est restée célèbre sous le nom de la statue Cabane, parce que le lieutenant s'appelait Cabane, n'est-ce pas ? Mais il ne faut pas croire que c'est une statue qui représente une cabane, comme je l'ai vu malheureusement plusieurs fois sous la plume de certains de nos étudiants. La Syrie, à l'heure actuelle, est beaucoup plus protégée. Et en Syrie, alors... Naturellement, Marie est un des sites les plus prestigieux, mais il y a d'autres sites très importants. Il y a Ougarit, au bord de la mer, qui est un site où on a retrouvé le plus ancien alphabet du monde. Mais surtout, à l'heure actuelle, il y a Ebla, la grande capitale de Ebla, qui représente une découverte tout à fait récente d'après la guerre et qui apparaît comme une métropole qui peut challenger toutes les autres capitales de Syrie. Magnifique. Alors, où est-ce que toutes ces découvertes vous ont mené, Jean-Marie Durand ? Alors, moi, je me suis spécialisé. C'est une chance de se spécialiser, parce que, comme il y a 3000 ans de cunéiforme, et avec une dizaine de langues qui sont représentées dedans, vous pouvez, si c'est votre tempérament, jouer à l'homme orchestre, faire des thèses du troisième millénaire, du deuxième millénaire ou du premier millénaire, le faire en sumérien, dans les dialectes sumériens, dans les dialectes akkadiens, en assyrien, dans des textes littéraires, dans des archives d'ordre documentaire, reconstruire des familles, étudier des dossiers de marchands, faire des annales des rois. Mais il est bien évident que les journées ayant 24 heures, si vous papillonnez comme ça, vous pouvez éblouir la personne qui connaît peu de choses en ce domaine, mais si vous voulez approfondir, résoudre les problèmes, entrer vraiment dans le concret... Il faut faire le tri, quoi. Faire le tri, il faut se spécialiser. Et je vous dirais que je me suis spécialisé sur un domaine qui comporte 20 000 tablettes. Vous pouvez imaginer que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, qu'en même temps j'ai oublié qu'on n'a pas toujours présent à la mémoire la référence qu'il faut... Et que, bon, ben, il y a des textes qui me restent encore à lire. Donc, je trouve que se spécialiser sur 20 000 documents, oui, qui sont à moitié des lettres extrêmement complexes, extrêmement riches, avec des renseignements extrêmement divers, et puis d'autre part, des textes administratifs qui énumèrent des objets dont il faut faire le catalogue, dont il faut comprendre l'utilisation, etc., ça sert bien à meubler les journées. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant, Jean-Marie Durand, sur ces gens qui vivaient 18 siècles avant Jésus-Christ ? Eh bien, une chose d'abord rassurante. Lorsque j'ai commencé à arriver à Marie, vous voyez, je vous ai dit la situation de Marie, c'est au moment où la frontière syro-irakienne coupe l'Euphrate. Oui. Donc, l'Irak, c'est l'Est, la Syrie, c'est l'Ouest. Marie était compris comme un point de contact entre l'Est et l'Ouest. L'Est, c'est Sumer et Babylone, l'Ouest, c'est la Bible. Et la grande question à laquelle il fallait trouver une réponse, c'était, est-ce que Marie se trouve être un avant-poste de la civilisation sumérienne du côté de l'Ouest, c'est-à-dire envahie par des impuretés occidentales, ou est-ce que c'est l'avant-poste de l'Ouest qui était un petit peu imprégné d'influence siméro-acadienne. C'est-à-dire, Marie, lieu de rencontre entre deux esprits que tout opposés, parce que du côté de l'Ouest, c'est l'intuition, du côté de l'Est, c'est le rationnel, vous avez les prophètes d'un côté, vous avez la divination de l'autre, et la divination, naturellement, à partir de textes, c'est-à-dire que le devin n'est pas un inspiré, c'est quelqu'un qui, de façon clinique, observe un foie et porte un jugement sur ce qu'il y a sur le foie. Si vous regardez mon grand prédécesseur Jean Bottero, sa problématique, c'est cela. Marie est le point de confluence. Bon. Maintenant que nous avons lu les textes, que voyons-nous apparaître ? Eh bien, d'une façon rassurante, qu'il y a un ouest d'un côté, il y a un est de l'autre, et il y a un milieu, et que ce milieu... j'ai l'habitude de prendre une image en géographie pour dire il y a un milieu qui est une butte témoin et qui est Marie. Une butte témoin, c'est quand il y a un relief qui s'en va, vous avez un petit peu qui reste et qui vous indique qu'une trace de l'état antérieur qui a disparu. Et ce milieu s'est trouvé être tout le nord de la haute Mésopotamie, le domaine des Bédouins. Et c'est ça qui a été la grande découverte. J'ai vu une civilisation nouvelle apparaître avec des critères entièrement neufs, un vocabulaire entièrement neuf, une civilisation entièrement neuve. Et c'est ça qui forme mes cours au Collège de France. n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'ai voulu maintenir comme titre de ma chaire assyriologie, parce que c'est une grande tradition française. L'assyriologie est apparue parce que Jules Appert, premier professeur au Collège de France, a participé au déchiffrement. C'est un des pères fondateurs. Nous n'avons pas eu un Champollion, nous en avons eu trois. Et un des trois est un Français qui s'appelle Jules Appert. Bon. Donc, par déférence envers cette grande tradition française, j'ai voulu maintenir le nom. D'accord. Mais j'ai expliqué à des collègues dès ma leçon inaugurale que on peut mettre du vin nouveau dans des vieilles bouteilles. Magnifique. Alors dites-nous un peu qui sont ces gens. Alors, ces gens, je vais vous dire à peu près le changement complet que j'ai eu d'orientation. Avant moi, ce qui était chic, par exemple, c'était de trouver dans les textes de Marie des mots nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvaient pas dans le vocabulaire irakien de Babylone, d'Ur, de Larsa, etc. Et de les expliquer, selon nos méthodes à nous, nos méthodes philologiques, qui sont éprouvées, par les termes bibliques, les mots de la Bible. Alors, par la même occasion, on allait piquer un terme hébreu dans le Gesenius et qui permettait d'expliquer le terme nouveau. Et on était tout content d'enrichir le vocabulaire acadien et de montrer un contact neuf entre la Bible et le cunéiforme. Et c'est ce que l'on appelait, ça rentrait dans la dialectique Est-Ouest, dont Marie était l'endroit où tout se mélangeait. À l'heure actuelle, je me rends compte que, comme ce que je vous disais au début de cet entretien, les langues sémitiques sont des langues qui ne s'usent pas. On dit « bab » 3000 ans avant, on dit « bab » toujours maintenant pour dire « la porte ». Bon. C'est-à-dire que, quand vous trouvez dans la Bible un mot qui correspond à un mot nouveau à Marie, vous trouvez le squelette morphologique, vous trouvez la racine identique, et les sens, en général, se transporte peu, parce que la langue a évolué, la Bible a été écrite relativement récemment, vers le 4e, 5e siècle avant le Christ, Marie c'est 18e siècle avant, il y a eu des évolutions, et puis c'est pas la même civilisation, parce que du côté de la Bible, c'est une civilisation royale, c'est une civilisation de ville, alors que nous, ce sont des bédouins. Le sport, à l'heure actuelle, si j'ose dire, c'est d'aller chercher dans le monde pré-islamique les mêmes structures qu'à Marie. On les trouve et on se rend compte avec beaucoup d'intérêt que le vocabulaire n'est pas le même. C'est-à-dire que il faut remplacer la vieille comparaison qui était une comparaison terme à terme. J'ai un mot babylonien, je ne comprends pas, je vais prendre un mot hébraïque à côté, je les mets en relation, j'explique les deux et je constate des différences et je dis qu'on ne peut rien en dire. À l'heure actuelle, on va comparer des structures chez nous, c'est-à-dire nous, c'est les Bédouins, naturellement, du 18e siècle avant, et chez les pré-islamiques, on se rend compte que les structures sont les mêmes et que les termes ont changé. Il y a 25 siècles de différence entre les deux. On se rend compte que les mots évoluent. Et plutôt que de feuilleter des dictionnaires, eh bien, il faut au contraire affronter des civilisations. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Alors, je vous donne un exemple. Oui. Le terme de vengeance, qui est le nikmum en babylonien, naturellement, la racine nkof-m est bien attestée dans la Bible. Seulement, c'est un terme qui n'est pas très bien répandu, et ce n'est pas une... Bon, on se venge, mais ce n'est pas une structure sociale extrêmement importante. Bon. À part de passages célèbres sur Cain, sur le mec, etc. Bon. Et quand vous allez voir du côté islamique, la vengeance, la vendetta est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est le sang à couler, il faut le racheter par du sang. Bon. Et on se rend compte à ce moment-là que dans le monde pré-islamique, eh bien, ce qu'il y a de fondamental, c'est on se venge parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autorité d'État. C'est la tribu va demander le prix du sang à la tribu qu'il a offensé. Et en même temps que vous vous vengez, il y a un aspect d'effoulement considérable, c'est-à-dire que vous ne punissez pas parce que vous demandez que le coupable acquitte sa... Mais en réalité, vous vous défoulez en même temps et vous y a la, vous ajoutez la torture, vous ajoutez l'humiliation, vous, vous le faites mourir dans, d'une façon absolument abominable. Et le terme de Nick Moom qui arrive maintenant dans nos textes de Marie nous montre que c'est une structure fondamentale des rapports sociaux. Si il y a Nick Moom, ça veut dire que le roi de la cité accepte de n'être pas le juge qui rencontre devant qui on porte l'affaire. Il délègue la punition aux frères de la victime, et alors ces gens font mourir l'assassin, par exemple, mais après l'avoir traîné 30 fois autour de la ville, l'avoir tailladé les chairs, lui avoir passé une corde dans le nez, le mariotte qui assiste à cette exécution écrit au roi en lui disant « Tu ne peux pas imaginer ce qu'ils lui ont fait ». Et alors, à ce moment-là, comparer un terme babylonien avec le terme mariotte avec le terme hébraïque est quelque chose de rassurant philologiquement. Mais il est beaucoup plus intéressant de comparer la structure sociale et les implications pour la définition du chef à l'époque bédouine amorite, qui est celle de Marie, avec ce qui se passe à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire avant le Coran. Bon. Et on se rend compte à ce moment-là que le terme, celui de tsar, qui est le fait de se revancher sur quelqu'un d'autre, a changé. La racine nakama signifie toujours naturellement se venger. Oui, c'est ça, les mots n'ont plus la même... C'est-à-dire la structure sociale n'est pas définie de la même façon. Absolument, oui. Et c'est naturellement, c'est ça la très très grande difficulté de l'entreprise maintenant, c'est que pour pouvoir la mener, il suffit plus de feuilleter un dictionnaire, il faut aussi entrer dans une autre civilisation. Jean-Marie Durand, le cours de cette année porte sur les personnes déplacées au Proche-Orient ancien, réexamen de la question des Habirous. C'est la suite du cours que vous avez donc entrepris déjà l'an dernier, et peut-être même encore avant. Oui, je continue à regarder les structures fondamentales de cette société bédouine qui apparaissent. Il faut en faire l'inventaire, et il faut d'abord les décrire, si vous voulez. Alors, avant qui sont ces Habirous? Alors, c'est une question... prestigieuse chez nous. Bon, le terme peut vous paraître un petit peu bizarre. Alors, j'ai commencé mon cours en leur disant que j'avais regardé sur Google, en tapant Habirous, j'avais vu 7800 pages de réponses. Bon, ce qui montre que c'est bizarre pour un peu tout le monde, ben sauf pour eux 7800 pages d'informations. Oui, c'est une entrée vaste, c'est extrêmement internationale. C'est, donc, c'est extrêmement simple. Habirous, c'est le terme qui est proposé comme étant l'étymologie de hébreu. Voilà. Alors, vous voyez que quand je vous dis ça, ça change entièrement l'atmosphère. Et beaucoup de gens s'en sentent. Donc, ça intéresse tout le monde, finalement. Absolument. Alors, le problème, ça fait partie un petit peu de la tératologie scientifique. Parce que les Habirous, ce sont des gens qui, donc, pour des raisons morphologiques, on les a mis en rapport avec le terme d'hébreu. Mais, quel est le sens fondamental de ce terme? Et on constate qu'il fonctionne couramment dans certains textes, d'après certains savants, avec le sens de pillard, vagabond, chenapan. D'autres le rattachent à la poussière, donc ce sont les gens qui cheminent le long des grands chemins, ce sont des gens de sacs et de cordes. Et vous voyez les implications quand on se mêle de dire que le terme de hébreu à l'origine était connoté d'une façon aussi lourde et aussi péjorative. Oui, mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, c'était la manière dont on voyait ces gens qui se... Pourquoi pas, mais c'est justement une question très importante, parce que vous avez des gens qui le prennent au niveau, si vous voulez, de l'information historique, et puis d'autres qui le prennent au niveau de la malveillance politique, et puis... C'était peut-être d'ailleurs un peu les deux, finalement. Alors, comme on peut dire les vagabonds aujourd'hui, c'est pas forcément des pillards, etc., mais je sais qu'en histoire, quand on cherche des parallèles, on trouve tout. Par exemple, les gens qui s'appelaient les gueux, la révolte des gueux, par exemple, ce sont eux-mêmes qui s'appelaient les gueux. Nous sommes des gueux. Bon. Et en mai 68, beaucoup de gens hurlaient dans la rue en remplissant tous nos boulevards. Nous sommes des groupuscules. Oui, bien sûr. Donc, mais le problème à l'heure actuelle, c'est de reprendre à frais nouveau le dossier pour savoir si ce qu'on s'est habitué à répéter à l'heure actuelle est vrai ou pas. Parce que vous comprenez que dans la discipline, quand quelqu'un a dit quelque chose, on croit faire avancer la science en disant exactement le contraire. Alors, vous avez des gens qui vous disent que les rabirous, ce sont les anciens Hébreux, d'autres qui vous disent, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors, il faut donc maintenant reprendre la discussion pour savoir ce qu'il en est. J'avais décidé, au niveau de l'examen de la société bédouine, de regarder la notion de gens instables, de gens mal sédentarisés. Donc de nomades. Pas exactement les nomades, parce que les nomades ont un aspect de périodicité et une ampleur de mouvement qui les fait rentrer dans la normalité. Je voulais donc regarder les déplacements anormaux, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai commencé mon cours l'année dernière par commencer par leur définir le thème de être bien chez soi. Montrer que tous ces gens que l'on considère comme des vagabonds, comme des nomades, comme des instables, en réalité ne rêvaient que d'une chose, qui était de s'installer quelque part, d'avoir leur chez eux, en leur montrant d'ailleurs par la même occasion que être bien chez soi, c'est un thème de culture, de civilisation, qui porte toute la féminité. Et que, en même temps, en contre-coup, on montre comme idéal pour l'homme qu'il faut quitter chez soi, aller faire du sport, aller faire la guerre, et le grand reproche, c'est il faut pas vivre avec les femmes. C'est-à-dire, ce qui n'est jamais un reproche sexuel, mais toujours un reproche de tu ne t'occupes pas de tes vraies affaires qui sont la guerre, le déplacement, etc. Bon. Après leur avoir défini cela, j'ai regardé tout le cas des gens qui ne tenaient pas en place. Et les gens ne tiennent pas en place parce qu'ils peuvent avoir la bougeotte, ou bien parce qu'on les chasse de chez eux. Et il se trouve que le terme de rabirou, qui est attesté d'une façon fugitive un petit peu partout dans le Proche-Orient, au moment de l'époque d'Alamarna, par exemple, c'est-à-dire 14e siècle, 12e siècle, cette tranche qui va d'Alamarna jusqu'aux invasions araméennes. Ils sont maintenant très très bien documentés à Marie. Et je leur ai dit, ce qu'il faut faire, c'est l'examen tranquille du thème rabirou à une époque où on est sûr que ça ne peut pas signifier hébreu, parce qu'il ne peut pas y avoir d'hébreu à l'époque. Mais de toute façon, on peut imaginer quand même que, comme tous les peuples, les Hébreux se sont constitués peu à peu avec des populations qui venaient à droite à gauche. Tout à fait. Seulement, ils se sont retrouvés. J'attire votre attention sur le fait que lorsque l'on a découvert le terme de rabirou, je vais vous dire quelle était la situation documentaire de ce terme. C'était dans une lettre adressée par le gouverneur de Jérusalem au pharaon d'Égypte pour lui dire que la campagne était infestée par des rabirous. Alors, c'est la première fois que ça apparaissait dans le monde, c'est au niveau du canular, c'était des gens qui semaient le trouble dans la campagne autour de Jérusalem contre l'occupant. Vous voyez dans quel contexte lourdement idéologisé ça apparaissait. Le mot est chargé, évidemment. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, en même temps, il y a eu une espérance folle des savants du côté de 1870 quand le terme est apparu, parce qu'ils se sont dit... C'est la première fois que l'on fait coïncider le peuple hébreu avec une documentation extérieure à la Bible. Et en même temps, ça permettait de donner la date de Josué. Par la même occasion, quand est-ce que Moïse a quitté l'Égypte, donc quel est le pharaon qui sont allés noyer dans la mer Rouge, et puis vous remontez et vous savez quel est l'âge d'Abraham. Donc, par la même occasion, trouver des Hébreux dans la campagne autour de Jérusalem dans une lettre adressée au pharaon, c'était quelque chose qui avait des répercussions absolument fantastiques. À l'heure actuelle, il est très important de voir ce que veut dire le terme calmement, à l'époque de Marie, 5 siècles auparavant. Alors, où en est la recherche? Le terme de Rabbi Roux, ça signifie quelqu'un qui part de chez lui pour des raisons politiques. Ah, donc un exilé. C'est un exilé, c'est en même temps une opposition politique. Parce que vous pouvez partir pour des raisons économiques. Bien sûr. Hein? Si vous le traduisez, c'est très ambigu parce que le terme signifie à la fois immigré et émigré. Ça dépend le point de vue par lequel vous le regardez. Bien sûr. S'il est chez vous, c'est un immigré. S'il est parti de chez vous, ce sont des émigrés. Et alors, ce sont des gens qui ne vont pas très loin. Et naturellement, comme ce sont des immigrés, c'est une population extrêmement dangereuse parce qu'on la soupçonne, ce sont des étrangers. Ils n'ont pas d'assises dans le pays. Ce sont des rebelles. Ce sont des gens en rupture. Ils n'ont pas de revenus assurés. Ils essayent de s'en procurer, de se faire une place. En même temps, ils veulent partir. S'ils sont dans le pays, des émigrés du pays d'à côté, ils font sans cesse des problèmes à la frontière. Donc les gens sont sous la menace de voir une réponse militaire venue de gens qui sont agressés. C'est une population donc déjà extrêmement agitée. Mais il est extrêmement intéressant de voir que ce problème des Rabbi Roux en génère d'autres. Vous avez à ce moment-là une autre notion très importante qui apparaît, un terme qui était inconnu de tous les dictionnaires qui s'appelle le Keltoum. Le Keltoum, c'est quelqu'un qui aurait pu être roi quelque part, qui s'est fait courser dans la course au pouvoir, qui, ayant trouvé le trône pris, est parti et devient chef d'émigrés ailleurs. Et ne rêve que de déposer... De vengeance. Absolument, de déposer la personne qui a pris sa place. Pour prendre le pouvoir, pour évidemment. Pour prendre le pouvoir et se réinstaller. Alors, Sartorius, quoi. Ça permet de voir, à ce moment-là, d'une façon extrêmement vivante, ces oppositions politiques. J'ai demandé à un de nos jeunes collègues qui travaille sur ces textes dans le Nord de venir nous exposer un dossier extrêmement important, en leur montrant que cette opposition politique de quelqu'un qui arrive, qui essaie de prendre le pouvoir quelque part, qui est tué, les frères reprennent le flambeau, représente une histoire extrêmement ponctuelle, extrêmement précise au XVIIIe siècle dans le nord de la Jézire syrienne. Au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle. Et je leur dis, et à ce moment-là, pour la mémoire de la planète, qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans tous nos grands pays, en France, en Allemagne, en Angleterre? On ne sait rien. On ne connaît même pas le nom d'un roi de l'époque, on ne connaît pas le nom d'un individu de l'époque. Et on se rend compte à l'heure actuelle que cette histoire extraordinairement mouvementée, bousculée, plein de bruit et de fureur, c'est en définitive la mémoire de la planète au XVIIIe siècle, avant le Christ, de toute la planète, ça se trouve là, dans les archives que nous étudions. C'est un must. Et en même temps, c'est la première fois qu'on le raconte ça. Et je leur dis, cette histoire exemplaire, eh bien, je vais maintenant en étudier d'autres thèmes avec vous. Et nous avons regardé l'histoire de Idrimi, qui est un prince de la côte syrienne. Quel beau nom! Idrimi, oui. On ne sait pas l'étymologie. Si vous êtes tenté par de la trouver, prévenez-moi. Qui a raconté que lui a été obligé de quitter Alep à un moment donné, qu'il est parti effectivement en opposition politique, et puis il est revenu, il s'est refait un royaume quelque part. Et puis on continue à descendre dans le temps, et je leur montre que, en définitive, ce sont les schémas de récit de la vie de David, du jeune David, pas du grand roi, pas du grand roi après qui s'installe à Jérusalem et qui devient le prototype de tous les rois et qui est chargé d'histoire. Mais l'histoire du jeune David rentre absolument dans le cadre du chef de bande qui bien sûr. S'installe quelque. Alors est-ce que oui ou non, le mot hébreu vient, l'étymologie. Alors, est-ce que vous avez pu établir ou pas ça? Non, je considère que la science impose des réserves. À l'heure actuelle, l'étymologie du thème de Rabirou n'est pas encore nettoyée des préoccupations sales, c'est-à-dire pas scientifiques. Oui, c'est ça. Idéologiques, religieuses, etc., etc. Si le terme de hébreu correspond réellement avec les Rabirou de notre époque, vous voyez qu'on peut tout de suite dire le thème de « je m'en vais de chez moi parce que je n'y suis pas satisfait, mais je veux y revenir », ça explique parfaitement. Ça coïncide. Ça coïncide très bien. Hein, bon. C'est-à-dire que, par la même occasion, au point de vue de la structure des récits, ça marche bien. Seulement, le problème, maintenant, c'est que le thème de partir de chez soi avec le désir d'y revenir est un thème éternel. Eh oui. C'est un thème éternel. Quasiment universel. Hein. Voilà. Et nos collègues a dit une chose extrêmement bonne en disant que c'est pas parce que les Hébreux sont une partie des Rabirous que tous les Rabirous doivent être des Hébreux. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est rentrer dans les jeux de la morphologie pour essayer d'expliquer les termes les uns par rapport aux autres. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez que Rabirou n'existe pas dans la Bible, c'est Ivrim, et que par la même occasion, l'étymologie du terme hébreu repose sur des vocalisations qui sont tardives, et alors là, ça rentre dans des domaines scientifiques qui excèdent peut-être un petit peu la patience des auditeurs. Alors, est-ce que vos collègues orientaux, enfin, je suppose qu'il y a des assyriologues au Moyen-Orient, enfin, certainement en Israël, certainement en Irak ou en Syrie, eux travaillent aussi certainement sur ces questions. Est-ce que, et naturellement, eux sont en contact. La question est lourdement idéologisée. Vous savez qu'il en Israël, par exemple, les antiquités. Est-ce que les antiquités de la Bible sont, c'est un domaine qui n'est pas léger, c'est-à-dire que est-ce que le récit biblique est un récit exemplaire ou est-ce que c'est un récit réellement historique fait partie d'un projet qui est extraordinairement ample dans lequel je ne veux pas rentrer. En Syrie, les gens qui se mêlent de trouver des origines aux Hébreux dans la Syrie, qui est un pays arabe, ça ne se fait pas facilement. Un de nos collègues avait trouvé très malin de déclarer que Ibrium, qui était le nom de ce qu'il croyait être un prince de Ebla, ça signifiait l'hébreu, et que par la même occasion le mettait en rapport avec les Hébreux actuels, ça s'est très mal terminé pour lui. Ce sont des problèmes qui ne sont pas scientifiques, et qui sont... Qui empoisonnent la vie des scientifiques, d'ailleurs. Qui empoisonnent la vie des scientifiques. Et d'une façon complètement inutile, parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire dans les inventaires, une fois que les inventaires seront faits, à ce moment-là, je vous dirai. Oui, et puis parce que la Bible raconte aussi des choses tout à fait... extravagante de ce point de vue. Je suis quelqu'un qui respecte énormément le document ancien et je dis toujours à mes étudiants les scribes antiques ne se trompent pas. C'est nous qui ne les comprenons pas. Parce que quand vous faites à l'heure actuelle des fautes, par exemple, d'orthographe française, vous avez l'impression que vous vous trompez. En réalité, c'est parce que vous vous présentez à une façon de prise de conscience de l'histoire de la langue, le sentiment linguistique, et il y a des enseignements des fautes. Hein, bon. C'est-à-dire que le scribe antique ne se trompe pas. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que souvent la critique moderne a voulu prendre la Bible en défaut. Il y a des coïncidences entre les textes amorites dont je m'occupe et le récit biblique qui montrent que... Alors, je ne sais pas où les Hébreux sont allés prendre leurs textes, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas inventé. Et les sources sont bonnes. Il y a des gens qui étaient informés. Alors, ont-ils donné toute l'information? L'ont-ils arrangé C'est une autre affaire, ça. C'est encore une autre affaire. Mais moi, je trouve toujours très réconfortant de montrer alors les rencontres qui sont possibles entre l'époque amorite et le texte biblique en montrant soyez respectueux du texte biblique, ne le corrigez pas trop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le corrigent, parce qu'ils pensent qu'ils le comprennent mieux, ils pensent qu'il y a eu des erreurs de transmission de texte. Ne le découpez pas trop. Vous savez que un des grands sports de la critique biblique, c'est de découper le texte sacré en différentes sources, en disant ça vient de tel endroit, ça vient de tel autre. J'ai montré, par exemple, dans un colloque que nous avions intitulé « Marie et la Bible », qu'un texte biblique qui était très célèbre, qui est la rencontre de Jacob et de Laban, et où l'on montre que le début appartient à une source et la fin se trouve à une autre source, parce que d'un côté il y a une stèle non écrite, de l'autre côté il y a une pierre non écrite, de l'autre côté il y a une stèle écrite, j'ai montré un texte de Marie dans lequel il y a un accord international qui est fait entre deux personnes, absolument dans les mêmes termes, et que ce qu'on prend comme deux sources hétérogènes était en réalité une source unique. Ce qui me paraît quand même... Donc il faut respecter, respecter le document ancien. Ce qui paraît étrange quand on vous écoute, c'est que les savants soient pris encore dans des débats, au fond, aussi idéologiques, alors qu'ils auraient tout intérêt justement à travailler ensemble sur des questions sérieuses. Les savants, ils viennent de quelque part. Et ils sont pas neutres. Ils sont pas neutres, ils ont leurs attaches, leur engagement et puis leurs limites. Hein. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Entretien par Christine Goémé. Réalisation Jeanne Cherquefosse. tu me dis, j'oublie. Ta radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Musique, danse, cinéma, M, toute la culture. France Culture vous présente Heroes, une chorégraphie d'Emmanuel Huyn du 21 au 24 juin au Théâtre de la Ville à Paris. Sur scène, aux côtés d'un musicien rock, sept interprètes en quête de héros, ceux qui fécondent la mémoire où se tissent imaginaires collectifs et parcours de chacun. Une chorégraphie de course, d'arrêt, de figures en éclats, pour crier un danger très présent. Hero! Yes, I will. Yes, I am. Sure, I will. Emmanuel Huyn, au Théâtre de la Ville, à Paris, du 21 au 24 juin, avec France Culture. France Culture vous présente. Hi, mommy, Shelley. Mein Name is Motek, Shelley. Oh, da bin ich hier. Da bin ich hier. Mwah, mwah, mwah. Ich bin mit der Zeit. Le prix France Culture du cinéaste de l'année 2005 a été décerné à Raphaël Nadjari pour Avanim. Tourné à Tel Aviv, entièrement en hébreu, nouvelle étape dans le parcours artistique de ce cinéaste, habité par l'idée d'un cinéma universel. Le prix du cinéaste 2005, catégorie étranger, revient à Bélatar pour Damnation, premier film hongrois indépendant, réalisé en 1987, sorti en France en avril dernier. Prix France Culture 2005 du cinéaste français à Raphaël Nadjari pour Avanim. Bellatar pour Damnation, prix du cinéaste étranger. France Culture vous invite à la projection à Paris de ces deux films jeudi 30 juin. Vos réservations au 08 92 68 10 99, touche 3, rubrique place de spectacle, 34 centimes d'euros la minute. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, dans le cadre de ce mois de juin que France Culture consacre à Jean-Paul Sartre, dont on fête le centenaire, les chemins de la connaissance, cette semaine à 11h30, reviennent sur le phénomène Sartre et examinent les raisons de l'audience qu'a eue cet intellectuel français. Premier volet avec Michel Cahill, membre du comité de rédaction de la revue Les Temps Modernes. 11h, fiction, feuilleton, Manhattan Transfer.